Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour et bienvenue. Nouveau générique depuis hier. En effet, c'est punch, hein, Christophe. C'est punch, c'est chouette. C'est terrible. Bon, ça va bien avec le temps d'aujourd'hui. Oui. Ça ira peut-être moins bien que la grisaille, mais justement, quand il y aura de la grisaille, le fait ça mettra un peu de soleil. Voilà, le fait d'écouter cette musique, ça mettra du soleil. Donc non, l'été n'est pas fini, bien sûr, et oui, la rentrée de Vivacité est en cours depuis hier. D'ailleurs, ce jeudi, retrouvez toutes les équipes des émissions à 12h30 sur la page Facebook Vivacité RTBF. Nous, les animateurs, nous vous répondrons en direct et en vidéo à vos questions. Vous pourrez poser en commentaire, et si vous ne pouvez être au rendez-vous, eh bien, le live sera disponible en replay sur notre site internet et sur Facebook. Ça, c'est une chose concernant la rentrée de Vivacité. Mais maintenant, concernant la rentrée de la vie du bon côté. Ah ah ! Que de choses à dire. Je vous en ai parlé hier et je vous en parlerai encore en émission le week-end en baie de Somme, parce qu'on va clôturer les inscriptions cette semaine, début de semaine prochaine, les 14, 15, 16 octobre. Ça, c'est une chose, je vous en reparlerai. Et puis, aujourd'hui, roulement de tambour. Nous lançons officiellement deux journées soirées de coaching et conférences. L'une à Mons le 30 septembre. Donc, vous voyez, on n'est pas toujours à l'étranger. On fait ça aussi en Belgique. L'une à Mons le 30 septembre. L'autre à Liège le 6 octobre. Nous nous associons en effet à Cap 48 pour faire grimper le compteur, mais aussi pour nous rencontrer, pour être coachés par mes invités à Mons ou les écouter lors de leur conférence à Liège. Et sans plus tarder, Christophe Godefriot. Vous voulez qu'on remette le roulement de tambour? Non, Christophe Godefriot. Eh ben, on va couper le cordon d'inauguration, tiens, puisque vous êtes l'un d'eux, l'un des quatre coachs, non pas de The Voice, hein, mais de cette grande opération qui aura pour thème « Et si ma différence était ma richesse ?» Thème que l'on va décliner à quatre sauces. Et vous, Christophe, ce sera la sauce « Confiance en soi ». Et ce jour-là, donc, et ces jours-là, et aujourd'hui aussi, on va déjà un peu lever un coin du voile. On va toucher un petit peu à tout ça aujourd'hui, effectivement, parce qu'en touchant à l'ombre, on touche aussi à l'estime, à la confiance en soi, des choses comme ça. Et effectivement, j'ai la chance, le bonheur, la joie de faire partie de cette grande aventure. Alors effectivement, quatre coachs pour développer les talents de nos invités. Ça ressemble un peu à The Voice. Mais oui, c'est un hasard finalement qu'on soit arrêté à quatre coachs, mais ça va bien. On essaiera de vous avoir des grands fauteuils comme ça, voyez. Et vous commencerez dans l'ombre, justement, et puis hop, vous vous retournez, on buzz et vous êtes face à la foule en délire. Bon, il y a un lien pour ça. On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a déjà un lien sur le site internet de Vivacité. Il y a un lien aussi sur le site de Cap 48. Vous pourrez nous téléphoner en émission à chaque fois entre 13h et 15h au 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 et comme ça on vous enverra tous les renseignements concernant ça. Bon, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est vraiment affirmer cette part d'ombre, affirmer ces choses dont on n'est pas fier. Alors, dans quelques instants, on développe tout ça. On vous demande déjà de prendre la parole, peut-être, de venir nous dire « Oh, bah Sylvie, ça me concerne, tiens. Oh, bah Sylvie, moi, pendant l'été, ici, en parlant de part d'ombre, j'ai peut-être, en effet, acté des choses dont je ne suis pas vraiment fière. » Donc, autant essayer de lâcher prise sur tout ça avant la rentrée. Voilà, faire un petit reset, faire un petit nettoyage en profondeur. 070 23 33 23, SMS 30 63, avec Christophe Godefriot. C'est parti. La vie du bon côté. Pour tout ce qu'on n'a pas su faire, pour tous ces retours en arrière et toutes ces routines achevées et celles qu'on ne reprendra jamais. Toutes ces épreuves et ces jours maudits qui font comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. On danse, on danse. Chaque jour qui se lève est un jour de chance. On danse, on danse. On danse comme si c'était notre dernière chance. Aux mots qu'on a pu regretter, Bon, on a décidé d'être punch, hein, maintenant, la programmation musicale. Hein. Punch du soleil, en effet, on a envie de profiter de ces derniers jours de l'été. Enfin, même si je sais que l'été se prolonge jusqu'à fin septembre. Il commence seulement. Oui. Pourquoi je parle de fin, moi? C'est vrai? Ouais. Ben, c'est la rentrée scolaire, malgré tout. Donc, beaucoup de personnes se disent c'est la fin d'une période. Et si on décalait les saisons? Oui, dans le fond, oui. Aussi on décalait les saisons. Donc voilà, bon été qui commence avec M. Pokora et avec le soleil qui s'annonce pour quelques jours. On va déjà pas penser à la part d'ombre du soleil, ça veut dire l'orage qui suivra. Oui. On l'a annoncé, c'est un petit peu ça. Vous allez nous parler de la part d'ombre justement, parce que c'est la première question que je voulais vous poser. On a tous en soi une part d'ombre, mais qu'est-ce qu'on appelle la part d'ombre? Est-ce que ma part d'ombre à moi, c'est la même que la vôtre? Est-ce que malgré tout, il y a des particularités qui se ressemblent? Donc voilà la question à laquelle vous répondrez dans quelques instants, Christophe Godefrillon. Et on demande à nos auditeurs aujourd'hui de venir nous parler de la leur. Ouais, oui. Votre part d'ombre, voilà, les choses dont vous n'êtes pas fier. Bon, ne nous donnez pas tous les détails, hein. Donnez-nous simplement des traits de personnalité ou des choses, en effet, que vous n'assumez pas toujours. 070 23 33 23 par SMS 30 63. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Vous souhaitez aménager votre intérieur avec de nouveaux placards? Vous rêvez d'un dressing sur mesure? Ego vous propose des solutions de rangement qui s'adaptent à votre intérieur, mais aussi à votre budget. Et pour que votre rêve devienne réalité, Ego vous offre jusqu'à 1000 euros de remise pour un placard parfaitement équipé. Conditions sur ego.be. Vivacité présente le dimanche toqué incontournable de l'été montois. Dans le cadre exceptionnel des Jardins du Beffroi, 6 chefs vous proposent de déguster des repas gastronomiques en mode pique-nique décalé. À Mons, le dimanche 28 août de 11h à 17h30. Info 065 33 55 80 ou www.mons2015.eu. Vivacité, la ville de Mons présente la nuit des musées. Visite décalée, concerts, ateliers créatifs et numériques, soirée DJ, le vendredi 26 août de 19h à 1h. 10 musées montois s'animent pour une nuit pleine de surprises. Programme complet sur pôlemuséal.mons.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefrillon, formateur en communication, est devenu hypnologue aussi depuis la dernière fois. On va donc mettre cette part d'ombre, quoi, du bon côté. On peut dire ça, parce que vous allez, à mon avis, à un moment donné, nous dire que c'est important, c'est utile d'avoir une part d'ombre et peut-être justement de savoir s'en servir. Qu'est-ce qu'on appelle la part d'ombre, Christophe? D'abord, je pense que tout ce qui existe a sa raison d'exister. Et donc, effectivement, c'est important d'en avoir une. La part d'ombre, c'est quoi? Ben, quand on est tout petit, vraiment tout petit, le bébé, il pense qu'il n'est qu'un avec sa maman. Et puis, à un moment donné, il se rend compte que c'est pas vrai, qu'il est séparé. Et au moment où il est séparé, il va se dire, ma maman, elle est bonne, donc si je suis séparé d'elle, c'est que je suis mauvais. Et puis, à un moment donné, il va essayer de retrouver le chemin du bon en lui, en essayant de répondre aux attentes de sa maman. Et donc, en répondant aux attentes de sa maman, il peut développer certains traits de personnalité. Mais pour développer certains traits de personnalité en fonction de ce qu'il croit juste, il va devoir renoncer à d'autres. Et donc, la part d'ombre, c'est un peu tout ce à quoi on a dû renoncer pour devenir la personne qui on est. Imaginez que, dans votre imaginaire, votre maman attend que vous soyez fort. C'est mon cas, c'est pour ça que je sais en parler. Donc j'avais toujours l'impression que quand j'étais petit, on voulait que je sois fort. Et donc j'ai renoncé quelque part à ma faiblesse. J'ai renoncé à tout ce qui représentait la faiblesse et j'ai développé une espèce d'aversion pour tout ce qui est faiblesse, victimisation. Voilà. Et donc ça, c'est ma part d'ombre à moi. Tout ce qui est dans la faiblesse, tout ce à quoi j'ai dû renoncer pour être qui je suis, c'est un peu ma part d'ombre à moi. D'accord. Vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait trois sortes d'ombres. Il y a effectivement trois sortes d'ombres. Alors, il y a les choses dont je suis pas fier. C'est ce qu'on appelle l'ombre noire. Vraiment, tous les comportements qui sont pas adaptés. Les comportements, je dirais, qui sont contraires à mes valeurs, qui ne cadrent pas avec mes valeurs, avec mon idée de la perfection ou de qui je dois être. Il y a aussi l'ombre blanche. Et l'ombre blanche, c'est un peu le contraire. C'est toutes les capacités que, par pression, par autorité, par l'environnement, on m'a empêché de développer. C'est tout ce qui dort en moi. Mmh. Et tout ce qui va me titiller quelque part. Mmh. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'ombre familiale. Alors là, l'ombre familiale, c'est lié à tous les non-dits, à tous les secrets de famille, à tous les tabous, à tout ce qui ne se fait pas dans une famille, à tout ce qui correspond. En fait, je vais essayer de correspondre à ce que mes parents attendent de moi, mais là, ça va plus loin. C'est correspondre à ce que la famille attend de moi. Et si je ne correspond pas à ce que la famille attend de moi, et à travers les secrets aussi, à travers les non-dits, eh ben, je vais développer cette espèce d'ombre, cette espèce de noirceur. Bon, et si vous êtes là, évidemment, c'est pour nous prouver, pour leur prouver aux auditeurs que tout ça, ça se travaille, bien sûr. Tout ça, ça se travaille. Eh ben oui. C'est pour ça, en effet, qu'on recommence une saison de La Vie du Bon Côté, c'est de se dire qu'une fois qu'on entend ça, qu'on est à l'écoute de ça, voilà. Vous n'allez peut-être pas l'entendre aujourd'hui, vous allez peut-être l'entendre demain. Je veux dire, ça va peut-être travailler aussi, je m'adresse aux auditeurs. Hein. C'est vrai qu'en général, parfois, on n'est peut-être pas prêt à entendre ce genre de choses. Mais une fois qu'on l'a entendu, qu'on l'a intégré, qu'on se dit « ça touche quelque chose en moi », eh ben, va falloir travailler. Et donc, on vous donnera des clés, évidemment, pour travailler tout ça. Si vous vous reconnaissez dans ces trois sortes d'ombres, ben, venez nous le dire. Voilà, plutôt si vous êtes plutôt ombre familiale, avec les non-dits, les secrets, plutôt ombre blanche, tout ce qui dort en moi, ou plutôt ombre noire, en trois mots, comment la définir, c'est l'ombre noire. Ombre noire, c'est à chaque fois que je marche à côté de mes pas, à chaque fois que je ne suis pas aligné sur mes valeurs. Et que je me culpabilise, qu'on me le fait remarquer, ou bien que c'est moi qui en prends conscience. Il n'y a pas besoin qu'on me le fasse remarquer, généralement je le remarque moi-même. Je le ressens. Ouais, voilà, ça c'est mon ombre noire. Si vous souhaitez intervenir par rapport à ça, 070 23 33 23, SMS 30 63. Et puis il vous dira donc qu'il est utile d'apprivoiser son ombre, une fois qu'on la perçoit, une fois qu'on la ressent, qu'on la connaît mieux et qu'on l'approche davantage. Juste après Souffle, on reprendra la conversation. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en j'entends sa voix si belle au timbre angélique. Mi amor, hein, ce mardi très ensoleillé, ce n'est qu'un début sur Vivacité dans la vie du bon côté. On parle de la part d'ombre, ça tombe bien entendu, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent peut-être déjà de la chaleur, en disant, ah, on parle de la part d'ombre sur Vivacité dans cette émission. Ah, non, c'est pas celle-là, enfin si, c'est quelque part, parce qu'on vous parlerait aussi de l'ombre de Peter Pan, hein, dans quelques instants, mais la part d'ombre, c'est vraiment la partie mal aimée de soi. Voilà, ce que vous avez dû, ce à quoi vous avez dû renoncer pour être vous, il l'a expliqué, il réexpliquera encore un peu la chose. C'est Marc, dans quelques instants, qui viendra nous dire ce que ça évoque pour lui, cette part d'ombre. Comment il la perçoit, comment il la ressent, comment il la travaille. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Spot Radio qui fait la différence pour une gamme de voitures qui font la différence. Avec des conditions différentes chez votre concessionnaire Nissan de la Barrière à Bury, un choix différent. Nissan, garage de la Barrière, un choix très différent. Nissan, innovation that excites. Vivacité présente. Ces 27 et 28 août, dès 14h, l'archéocide d'Obechy vous invite à son traditionnel week-end d'archéologie expérimentale. Près de 250 reconstituteurs et expérimentateurs belges et étrangers animeront le site. Légions et cavalerie romaine, gladiateurs, troupes gauloises, artisanat et cérémonies domestiques illustreront la vie civile. Un week-end inoubliable dans l'Antiquité. Info sur archéocide.be. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. La vie du bon côté, sur Vivacité. La part d'ombre, on en parle aujourd'hui, donc la part d'ombre, comment dépasser peut-être quelque chose dont on n'est pas fier, qui constitue cette part d'ombre. On a parlé des trois sortes d'ombre, l'ombre noire, l'ombre blanche, l'ombre familiale, et vous parlerez aussi, Christophe Godefrion, en tant que formateur en communication, de l'utilité d'apprivoiser son ombre. Marc, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour Marc. Bienvenue Marc. Cette part d'ombre, elle vous parle? Est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que vous entendez parler de ça et vous dites, hein, on parle de quelque chose que je connais bien, ou c'est quelque chose que vous travaillez régulièrement? C'est quelque chose que je travaille et ça fait un bon bout de temps maintenant que j'essaie de la travailler. Il y a une chose que je voudrais rajouter, parce que je trouve que Christophe, la manière dont il l'a définie est très très importante, parce qu'effectivement, moi je la définis comme étant ma partie d'ombre, l'ensemble des mécanismes que je mets en place et qui vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs. C'est plutôt donc dans la famille noire, hein, l'ombre noire. Et donc, ces mécanismes que je mets en place qui vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs, je le fais, mais de manière tout à fait inconsciente. Pourquoi? Parce que je les ai appris, effectivement, et c'est là que je trouvais très important ce que Christophe disait, c'est que je les ai appris enfant, par rapport à des situations dans lesquelles j'ai adapté mon comportement pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre des choses le mieux que je pouvais. Et ces choses, je les ai donc intégrées, je les ai apprises, elles sont devenues inconscientes, ce sont des comportements que j'ai en moi, et qui aujourd'hui, par rapport à d'autres objectifs, par rapport à d'autres cadres de vie, ne sont plus d'actualité. Elles m'empêchent d'atteindre l'objectif. Et donc, la première chose à faire, et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que l'ombre, en fait, n'existe d'abord que s'il y a lumière. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et puis, il n'y a pas d'ombre que l'on ne peut pas éclairer au travers d'une lumière. Donc, la première chose à faire, et ce que j'ai appris à faire, c'est de mettre de la lumière sur toute cette partie de moi qui était inconsciente, mettre de la conscience dessus, de telle manière à ce que ces mécanismes qui m'ont aidé à une époque de ma vie et qui aujourd'hui me bloque, je puisse les désapprendre, parce que c'est très intéressant aussi. Quand on est petit, on apprend quelque chose, c'est une très bonne nouvelle, parce que tout ce qui est appris, on peut aussi le désapprendre. Comment vous faites pour travailler ça? Ça s'apprend en coaching, en atelier? Comment vous faites? Quel a été un petit peu le processus? Alors, il y a plein de choses qui nous permettent de le faire. Le coaching, bien sûr, le coaching est une partie qui permet de le faire. Les thérapies brèves peuvent le faire. C'est de prendre conscience et connaissance de soi. Et puis, il y a effectivement, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie en 2004. Ça a été le point de départ de mon développement personnel. Mmh. ça a été une formation de 9 jours intensive et qui m'a vraiment changé radicalement ma vie. Et c'est parce que j'ai pris vraiment conscience de tous ces mécanismes qui m'empêchaient de réaliser tous mes objectifs et qui ont été, dans ma vie, de les avoir mis en place, parce qu'à un moment donné, c'était très important pour moi, ils ont été salvateurs, mais aujourd'hui, dans certaines situations, ils m'empêchent, ils me font tourner en rond, et ce côté sombre, je ne sais pas pourquoi, en mettant de la lumière dessus, ça nous permet effectivement de les désapprendre, de comprendre le pourquoi et le comment des choses que l'on met inconsciemment en place dans sa vie. Merci Marc. Bon, une fois qu'on a compris ça, Christophe, en effet, mettre de la lumière, est-ce que quand quelqu'un, on a bien compris que lui, il travaille, il bosse pas mal là-dessus. Hein, ça, c'est il chemine là-dessus. Mais quelqu'un comme vous, par exemple, ou des personnes qui nous écoutent et qui cheminent aussi par rapport à ça, une fois qu'on a appris ça, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça devient facile de mettre de la lumière sur la part? En fait, vous savez, pendant qu'il parlait... Il est où le projecteur? Le projecteur, il y en a plein des différents, mais pendant qu'il parlait, j'avais une image qui me venait en tête et qui correspond tout à fait à ce qu'on vit dans les premiers temps quand on met son ombre en lumière. Vous rappelez Tom et Jerry? Oui. Hein, la petite souris là, qui se met, elle veut effrayer le chat, alors elle se met devant une lampe de poche et son ombre projetée sur le mur a l'air d'un gros monstre. Eh ben, c'est pareil. Exemple. Ça, c'est un bel exemple. Oui, la première fois, quand on éclaire son ombre, on a l'impression d'avoir affaire à un gros monstre. Mais en fait, c'est une toute petite souris. Et donc, c'est pas grave. Mais petit à petit, on va venir travailler par touche. On va juste apporter de la lumière, apporter de la couleur par touche. Il ne faut pas, évidemment, essayer de s'occuper de tout. De prendre un grand projecteur. Non. Bon, on veut des exemples, on veut du concret, on veut aussi des témoignages. 070-23-33-23, SMS 30-63. C'est joli ce qu'il a dit aussi, la part d'ombre n'existe que s'il y a lumière. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Plus j'ai de l'ombre... Et plus j'ai de la lumière, alors ça veut dire... Ah, plus il y a de la lumière et plus il y a de l'ombre. Ben voilà, et plus ma part d'ombre est grande, et plus que je suis illuminée, voilà, que je suis lumineuse. 3063 si vous souhaitez donc intervenir aujourd'hui. Et déjà la nostalgie ce mercredi dans le 8-9. Pas la nostalgie des vacances, la nostalgie des années 80. Caroline Loeb viendra nous raconter ses années de A à Z. De la musique à Dallas... En passant par ses rencontres avec Madonna ou la croisière s'amuse. Et vous, vous aviez quel âge en 1987? Répondez pas maintenant, répondez ce mercredi dans le 8-9 sur la Une Télé et sur Viva. Le 8-9. Là. Avec Benjamin Maréchal. Envie d'un nouvel ordinateur équipé du contrôle parental? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 79 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou! Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Vapona, votre arme contre les insectes. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Au troisième top, il sera... 13h33 minutes. Haïku, celui qui en réunion s'endort à tous les coups se verra offrir son C4 à la fin du mois d'août. Alors debout, Jean-Loup. L'anti-coup de mou. C'est Nalou. One love, blessedness who has hurt on mankind just to save his own belief. One love. Is only I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Ça, c'est la musique vacances aussi, hein, ça, Bob Marley, qu'on écoute dans les pays chauds. Donc, c'est pour ça qu'on l'écoute chez nous. Voilà. Tranquille à l'ombre. Tranquille à l'ombre, sur la survivacité dans la vie du bon côté, avec Christophe Godefriot. On parle aujourd'hui d'assumer cette part d'ombre. Comment dépasser cette part d'ombre? Comment l'accepter? Comment dépasser ces choses dont on n'est pas fier? Geneviève, bonjour à vous. Bienvenue, Geneviève. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour, vous avez compté hors antenne votre parcours, pas facile évidemment depuis le départ. Vous dites, je me sens sacrifiée. C'est des mots que j'ai relevés dans votre témoignage. Est-ce que par rapport, ce sont des mots forts évidemment, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, comment vous alignez-vous sur cette pardon, sur ce dont on parle aujourd'hui? Je viens de prendre l'émission, évidemment, en cours de route. Et alors, comme j'expliquais à votre collaboratrice, voilà, en fait, pour être claire, ma maman est décédée à son accouchement et mon papa m'a, entre guillemets, abandonné, c'est-à-dire que voilà, donc il m'a laissé chez une tante et un oncle, donc qui étaient mariés, sans enfants, et mon papa a refait sa vie. Donc voilà, donc j'ai grandi chez ce couple qui ne s'entendait pas, il y avait énormément de tabous, énormément de non-dits, etc. Et alors, voilà, donc, tout semblait plus ou moins aller jusqu'à ce que je me pose énormément de questions, depuis toute petite, je veux dire, hein, la vie après la vie, la vie après la mort, enfin bon, tous ces titres-là. Et j'en arrive maintenant donc je suis suivie par thérapeute, hein, et j'ai 52 ans maintenant, et elle m'a aidée à comprendre un petit peu mon parcours, et bon, c'est vrai que j'ai été très loin, j'ai été le sacrifice, oui, c'est vrai, c'est le mot. Je me suis laissée, donc j'ai fait fi de mes besoins depuis toute petite pour me sentir aimée, acceptée. Donc voilà, j'ai connu deux mariages, deux divorces, des hommes qui correspondaient finalement plus à ce que mes parents attendaient de moi que moi-même. Donc je n'ai pas eu d'enfant parce que je sais qu'un enfant dans un couple chez des parents qui ne s'entendent pas, donc est malheureux. J'ai arrêté de travailler tout simplement parce que voilà, je me sentais redevable par rapport à mes parents. Il y avait énormément de travail à la maison. Et j'en arrive maintenant, voilà, j'ai 52 ans, avec l'aide de ma thérapeute, j'ai fait le pas, j'ai quitté tout. Mais dans ma nouvelle vie, j'ai très très difficile. Je suis à la recherche de moi-même, je me suis raccrochée à des objets, donc j'ai très très difficile de me défaire. C'est pas vrai, ouais. Et voilà. Un petit peu. Ouais. Christophe, par rapport à ce parcours, en effet, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui transparaît dans tout ça? J'entends déjà un langage très fort au niveau émotionnel, hein, et plus on va charger, plus on va utiliser des mots forts pour désigner son expérience, plus effectivement l'expérience et l'ombre par conséquent va être forte et puissante. On est dans l'histoire du gros monstre, d'accord ? Donc il faut peut-être, je voudrais pas interférer avec le travail de la thérapeute de Geneviève, mais dégonfler un petit peu ce gros monstre et lui laisser reprendre sa place de petite souris. Ce que j'entends aussi dans ce que Geneviève disait, elle dit « Je sais qu'un enfant dont les parents se disputent est malheureux, elle exprime une croyance. » C'est vraiment sa représentation. « Je sais », c'est très fort ce qu'elle dit, « Je sais ». Ça veut dire que pour elle, actuellement, il n'y a peut-être pas encore place pour autre chose. Et donc, tout le travail va consister justement à... C'est pas encore faire... ça, sa nouvelle vie, quoi. Parce que quand elle parle de mais la nouvelle vie, elle est en train de se mettre en place. Elle est en train de se mettre en place. Et elle a choisi le bon chemin, hein, en se faisant accompagner, en se faisant aider. Puisqu'elle n'arrivait pas à en sortir tout seule, qu'elle n'arrivait jamais que sur des impasses. Bah, le fait de se faire accompagner, elle va doucement rentrer comme ça dans, elle va être en contact avec son ombre, hein, en thérapie. C'est pas toujours un chemin facile. Quand on travaille avec un thérapeute, on est souvent en contact avec son ombre. Mais on va nettoyer tout ça. Et se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on penser être un gros monstre et tout compte fait une petite souris et qu'il y a toute la place pour moi là-dedans et que je peux développer ma bienveillance vis-à-vis de ça. Je suis pas parfait, je suis pas comme on attendait de moi, comme j'ai pu l'afficher parfois, mais il y a toute la place pour moi là à l'intérieur. Il y a une place qui est préparée et je peux la prendre malgré toutes mes imperfections, malgré tout ce qui me plaît pas en moi. Bon, bah j'espère qu'on va lui donner du baume au cœur, Geneviève, qui est en plein cheminement, puisqu'on parle de ce mot. On en a parlé il y a quelques instants avec Marc, qui était notre auditeur précédent. La part d'ombre, comment l'accepter, cette part d'ombre, comment en effet dépasser des choses dont on n'est pas fier, comment finalement dépasser un parcours difficile aussi, dont on n'est pas fier, qui nous appartient d'une certaine façon, mais malgré tout, qui est malgré tout aussi tenu en, comme des marionnettes, vous voyez, comme des gens autour de nous, au-dessus de nous, qui tiennent des fils, donc on n'est pas toujours responsable non plus. 070 23 33 23, SMS 3063. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Aïe, aïe, aïe, aïe. I forgive you. Sans se lancer un regard. Je ne sais quoi dire quand on fait la remarque. Notre entourage tente de nous raisonner. Je pense qu'il est temps de se retrouver. Maître Gims, c'est si avec je te pardonne. Ça, c'est fort aussi comme mot. Oui. Dire ça dans une émission consacrée à la part d'ombre. Ça fait partie aussi du traitement de l'ombre, le pardon, oui. La part d'ombre, comment on l'accepte, comment on la dépasse, les choses dont on n'est pas fier, comment on les. Comment est-ce qu'on les envisage dans un parcours sans que ça ne soit un poids, voilà, et qui vous empêche et qui vous freine de l'ombre à la lumière. C'est un petit peu comme ça qu'on a envie d'intituler cette émission. Qu'est-ce que l'ombre, on en a parlé, les trois sortes d'ombre aussi, l'utilité d'apprivoiser son ombre, on va y revenir, notamment par une meilleure connaissance de soi, bien sûr. Et puis dans quelques instants, on vous parle de cette journée de coaching qu'on organisera à Mons au profit de Cap 48, et puis de la soirée conférence qui s'organisera à Liège, comme ça voilà, deux endroits vous pourrez choisir, on en parle dans quelques instants. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre. Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez des... Non, tu l'as pas coupé. Ah non? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche? Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Vivacité présente la fête de la moisson à l'ancienne ce dimanche 28 août à Blarney. Voyagez dans le temps et découvrez les traditions et le savoir-faire de la paysannerie. Ferrage, charronnage, moisson à l'ancienne, ancêtres agricoles, marché fermier, dîner campagnard, groupe folklorique, soirée années 80. Ce dimanche 28 août à Blarney, entrée gratuite. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Vivacité. La vie du bon côté. Christophe Godfriot, formateur en communication, notre invité d'aujourd'hui. Comment accepter sa différence, appelons-la comme ça, cette part d'ombre finalement, quand elle nous apporte une part d'ombre dont on n'est pas fier. Et si on programme cette première émission avec vous, Christophe, aujourd'hui, c'est parce qu'il y en aura d'autres programmées avec les trois autres coachs qui vous accompagneront pour cette grande journée de coaching au profit de Cap 48. Ce sera à Mons, auditorium Abel Dubois de la RTBF, en centre-ville. Et ce sera donc le 30 septembre. Alors, on vous offre quoi? Donc, on vous offre évidemment, enfin, on vous demande de participer évidemment au profit de Cap 48, mais dans le package offert, il y a donc cette séance de coaching, elle durera 2 heures. Vous serez, vous, coach, donc, Christophe Godfriot, il y aura Julie Arcoulin, il y aura Christine Alexandre, et il y aura Jean-Marc Colson. Donc, chacun viendra, pendant ce mois de septembre, parler du thème de sa conférence. Alors, on vous, ça, c'est une chose, c'est vous pourrez choisir soit de faire, parce que vous allez faire un doublé ce jour-là, hein, vous allez faire du coaching le matin, Christophe, et du coaching l'après-midi. Vous pourrez choisir de participer soit le matin, soit l'après-midi. Et si vous prenez la formule du matin, on vous offre avec, pour l'instant, donc, la PAC W, que l'on retrouve chaque samedi aussi sur le beau vélo de Ravel, donc on vous offre vraiment des produits de producteurs locaux du cru. On vous offre le petit déjeuner. Ensuite, vous avez la séance de coaching. On vous offre le catering le midi, l'émission en direct, puisqu'on fera une émission en direct devant le public, donc de 13h à 15h. Et ceux de l'après-midi viendront pour le catering du midi, l'émission en direct, le coaching, bien sûr, et le verre de clôture. Donc, soit vous vous inscrivez pour le petit déjeuner le matin, soit vous vous inscrivez pour l'après-midi avec le verre de clôture. Qu'est-ce que vous donnerez comme coaching, donc, ce jour-là, Christophe ? Alors, ce jour-là, je vais changer de casquette, puisque là, je serai plutôt dans ma casquette formateur PNL. Et là, ce que je vais faire, c'est donner des outils aux gens qui seront là pour aller chercher leurs ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tout le monde a les ressources dont il a besoin. Mmh. Donc, aller chercher les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour oser affirmer leurs différences. Mmh. Et quand on affirme sa différence, on prend vraiment sa place. Parce que notre place, c'est aussi d'être différent. C'est aussi d'apporter des couleurs à la vie. Et c'est la différence de chacun qui apporte des couleurs à la vie. Joli. D'autant que le slogan de Cap 48, c'est « Tous ensemble, même si on est différent ». Et qu'on a envie vraiment d'intituler cette journée coaching et cette soirée conférence à Liège le 6 octobre. « Et si ma différence était ma richesse ?» Voilà, tout simplement pour pouvoir élargir ce thème et pouvoir communiquer le plus possible. Alors, ce sera un prix unique de 48 euros. Pourquoi c'est symbolique? Cap 48, 48 euros, soit pour la formule du matin, soit pour la formule de l'après-midi, ou pour la soirée conférence, ce sera à Liège le 6 octobre. Comment se renseigner? Comment verser évidemment sur notre compte, ouvert pour l'occasion? Vous allez sur le site de Vivacité, sur ma page, la page d'émission La Vie du Bon Côté, vous allez voir directement donc un onglet qui vous annonce l'événement. Vous lisez tout jusqu'au bout, voir si vous avez tout bien compris. Vous nous envoyez un email, lavidubonkote@rtbf.be. Vous nous téléphonez pendant l'émission. On prend vos coordonnées, on vous rappelle, ou alors vous allez aussi directement sur le site de Cap 48. Il y a déjà aussi en ligne notre journée du 30 septembre à Mons et notre soirée conférence le 6 octobre à Liège. Quand je dis soirée conférence, il y aura aussi une visite qui sera proposée d'un musée tout proche, puisque ça sera à Médiacité. Et puis il y aura un petit concert avant la conférence et aussi toujours le catering offert. Voilà donc les deux formules, 48 euros pour l'une de ces trois formules, on va dire, puisqu'il existe trois formules au choix. Bon, on reviendra évidemment à l'ensemble de notre émission d'ici quelques instants. 070 23 33 23, SMS 3063 pour nous joindre, ou l'email lavidubonkote en un mot rtbf.be, encore une fois, que vous ayez envie de prendre des renseignements ou communiquer aujourd'hui, interagir sur le sujet d'aujourd'hui qui déjà malgré tout est bien imbriqué dans cette grande thématique, et si ma différence était ma richesse. Slashed and torn. David Bowie dans cette émission ce mardi sur Vivacité. Dans quelques instants, c'est le flash de 14h qui s'annonce. À tout de suite. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, avant de rentrer avec Cyril. Vivacité à la Louvière. En toute complicité. Sur 99.5 FM. Coa, coa, coa sur la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Excellent après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Le flash de 14h, présenté par Yasmina Favaro. Apprenti chanteur, c'est le moment de vous inscrire pour The Voice Belgique. Les auditions de la saison 6 sont ouvertes et si vous êtes sélectionné, vous aurez face à vous de nouveaux coachs. Bye bye Stanislas et les Cats on Trees. Bonjour Big Flo et Oli, les deux jeunes rappeurs français rejoignent l'aventure. Ils promettent de surprendre avec un genre nouveau et un style différent. Et enfin, un petit nouveau, pas si nouveau que ça, Marc Pinilla, le chanteur du groupe Suarez, est de retour après 2 ans d'absence. Quant aux deux autres coachs, ce sont toujours BJ Scott et Quentin Mosimane. Avec ce soleil, vous bossez peut-être de votre terrasse comme beaucoup de Belges, vous télétravaillez, une pratique en vogue, 21% de plus en 5 ans. Ce sont les chiffres du SPF Économie dévoilés ce matin par la VRT. C'est en région bruxelloise que l'augmentation est la plus forte. Travailler depuis son domicile, c'est aussi une pratique plus prisée par le secteur public que le privé. 3 salariés sur 10 dans le public contre 1 sur 10 dans le privé. En France, le tourisme est en berne. Le secteur connaît une forte baisse de fréquentation en 2016. Rien que pour Paris, c'est une perte de 750 millions d'euros. Des hôtels aux cafés-restaurants, en passant par les musées ou les guides, c'est une catastrophe pour le personnel. Les Français se font plus rares, mais ce sont surtout les touristes étrangers qui délaissent l'Hexagone. En cause, les attentats, notamment ceux du 13 novembre 2015, les nombreuses grèves du printemps et les inondations du mois de juin. Alors vous l'avez remarqué, il fait chaud aujourd'hui. Pensez donc à bien vous hydrater car c'est parti pour plusieurs jours de canicule. Et les températures vont encore grimper. Du coup, la phase d'avertissement de niveau 2 du plan forte chaleur sera activée dès mercredi jusqu'à dimanche. C'est Céline, la cellule interrégionale de l'environnement, qui l'annonce. En gros, cette phase, elle consiste à appeler les professionnels de la santé, les hôpitaux, les maisons de repos par exemple, à être plus vigilants. En tout cas, pour cet après-midi, la météo, donc il y a du soleil au programme et les températures, elles seront comprise entre 24 et 30 degrés. Et tout de suite, on va faire le point sur vos conditions de circulation. Comment ça roule sur nos routes ? Eh bien, ça ralentit déjà un tout petit peu sur le ring de Bruxelles, notamment en circulation intérieure. Entre Haut-Titre et Grand-Bigard, vous mettez 14 minutes de temps de parcours supplémentaire, plus 9 minutes pour l'extérieur. Grand-Bigard, Haut-Titre. Un objet encombrant, c'est une bâche. On sait qu'une bâche peut prendre dans le vent s'il y en a, donc attention. Sur le 19, Mons-Bruxelles, peu avant Famille-Heureux, la bande de gauche est encombrée en direction de Bruxelles. Accident sur la N643, Aiguezé, 8 à hauteur de 11. La chaussée est fermée dans les deux directions. Des déviations sont mises en place. Un accident sur le 313 de Liège-Anvers à hauteur d'Herentals. Ouest, la chaussée est fermée. Là aussi, il y a 7 km de fil en direction d'Anvers. Et puis, au poste frontière vers la France, donc sur le 40, il y a Baie-Calais. Ça va beaucoup mieux. Il y a encore 3 km de ralentissement, mais vous ne perdez plus que 6 minutes. Donc, ça s'écoule un peu plus facilement. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on prend toujours la vie du bon côté sur Vivacité jusqu'à 15h, toujours avec Sylvie Honoré. Oh oui, en plein soleil, même si on part beaucoup de parts d'ombre aujourd'hui. Merci Yasmina, l'info revient à 15h. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel, en effet, qui continue son petit bonhomme de chemin, cap sur l'étape de ce samedi, puisque vous aurez la chance de pédaler sur le circuit Jules Tachny de Mété, grâce à nous. C'est en effet là que toute l'équipe vous fixe rendez-vous pour la 10e étape de la saison, une étape spéciale Cap 48. Justement, on en reparle. Adrien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tous ensemble, même si on est différents, ce sera notre cri de guerre samedi 27 août à Mété sur le Beauvais de Dravel spécial Cap 48. On va en parler avec Alice Gobier du service public de Wallonie. Bonjour Alice. Bonjour Adrien. Les personnes à mobilité réduite ont évidemment leur place sur le Ravel. Et oui, et il faut savoir que la Wallonie travaille en partenariat avec la SBL Attingo, anciennement appelée Gamma, pour tout ce qui est aménagement du Ravel pour les personnes à mobilité réduite. Attingo, c'est donc une ASBL qui travaille quotidiennement à rendre plus accessibles les voiries pour l'ensemble de la population. Donc en 2007, la Wallonie a publié un guide d'itinéraire pour les personnes à mobilité réduite qui s'inspire des bonnes pratiques à avoir pour adapter le Ravel au PMR. Et il y a quand même pas mal de détails à prendre en compte. Oui, c'est quatre étapes assez essentielles. C'est stationner, entrer, circuler et utiliser le Ravel. Tout au long de ces quatre étapes, il faut se mettre dans la peau des personnes qui ne savent pas avoir la même mobilité que nous et adapter l'environnement aux conséquences. On va faire attention aux bordures qui sont parfois trop hautes pour les poussettes ou les caddies. On va essayer au maximum de signaler les obstacles qui sont en porte-à-faux, tels que les barrières, les poubelles, les signaux. Avoir aussi un revêtement adapté sans trous, hein, ça semble évidemment la base. Réaliser un élagage régulier des bordures afin que les personnes puissent y circuler de manière aisée et agréable. Et on va aussi veiller à ce que les personnes à mobilité réduite puissent bénéficier d'aires de repos adaptées à leurs besoins. C'est important, par exemple, de prévoir des bancs pour les gens qui ont des difficultés à marcher. Ah oui, des aires de repos, un peu comme sur les autoroutes. C'est bien, on y a droit à vélo aussi. Alors, sur le Ravel, on a de plus en plus de vélos à assistance électrique. Oui, c'est vraiment un renouveau pour l'utilisation du vélo chez les personnes qui ont une moins bonne condition physique. Grâce au vélo assistance électrique, on a beaucoup de personnes qui redécouvrent le plaisir de se promener sur le Ravel. Beaucoup d'exemples de gens qui accompagnent par exemple leur conjoint à vélo lorsque celui-ci fait un jogging un peu trop poussé. Mais du coup, on a aussi beaucoup de questions, savoir si les vélos peuvent aller sur le Ravel. On l'a déjà dit, si on ne dépasse pas 25 km/h, c'est un vrai vélo. Donc le vélo s'actionne uniquement quand l'utilisateur pédale. On peut aller à vélo sur le Ravel. Dans les autres cas, alors c'est interdit et vous devez emprunter la chaussée. Avec votre casque, plus d'infos sur www.ravel.wallonie.be. Merci beaucoup Alice. Et on se retrouve samedi. À samedi. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité. La vie du bon côté. Avec Christophe Godefriot, formateur en communication. Je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission, mon cher Christophe, de l'ombre à la lumière. C'est comme ça donc qu'on intitule l'émission. Ça tombe bien encore une fois aujourd'hui puisqu'on a beaucoup de lumière, on en aura beaucoup durant les prochains jours. La part d'ombre, donc c'est vraiment ça qui fait l'objet de notre réflexion, voilà, si encore une fois on l'aperçoit bien, cette part d'ombre. Rappelez-nous quand même un peu très vite comment pour ceux qui arrivent évidemment en cours de route, comment est-ce qu'on la définit, la part d'ombre? La part d'ombre, c'est un petit peu tout ce à quoi on a dû renoncer pour être nous-mêmes, tout ce dont on n'est pas fier, tout ce qui nous fait manquer nos objectifs, tout ce qui fait qu'on marche pas droit, tout ce qui fait que voilà, on n'est pas toujours bien dans sa vie, des petites touches sombres comme ça. Qui sont soit propre à soi, soit effectivement issus de tous les non-dits, de tous les tabous familiaux. Vous avez bien résumé, ça veut dire qu'on est tous, on a tous une part d'ombre. On a tous une part d'ombre. De toute façon, qui nous suit, qui est là. On sait pas faire abstraction, voilà. Non, mais tant mieux. Mais oui, encore une fois, tout ce qui existe a sa raison d'être. Elle est utile, bah oui, c'est ça. C'est ce qui nous permet de grandir quelque part. Oui. Si on n'avait pas d'ombre, ben peut-être qu'on se mettrait jamais en route et qu'on resterait là assis dans notre flaque d'eau à pas avancer. Voilà, je pense que voilà, tout ce qui existe, pour moi, tout ce qui existe a sa raison d'être. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait dans le Larousse, il y avait une page avec les insectes nuisibles. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte qu'aucun insecte n'est nuisible. Ils ont tous leur raison d'être. Alors, on les appelle comme ça? Oui, on les appelait comme ça. Je ne sais pas si on les appelle encore comme ça? Bah, le mot nuisible, à mon avis, oui. Oui. Mais c'est vrai, ça, c'est un méchant mot. Mais oui. Nuisible. S'ils existent, que ce soit en tant que prédateurs ou en tant que proie ou en tant qu'autre chose, ils ont leur place dans l'économie de cet écosystème. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais oui. Mais oui, vous pourriez vous sourcer client scientifique, mon cher Christophe. Je vais faire de l'entomologie. On va demander aujourd'hui, l'entomologie, c'est pas les insectes vivants? Si, bah c'est bien. Bon, je non, les mi-vivants. Parce que j'en ai parlé la semaine dernière, parce qu'on mange. Non, vous n'avez rien à voir. Non. Rien à voir. On les mange pas vivants. On appelle ça la gastronomie, pas de l'entomologie. Bon, on parle de cette zone d'ombre, cette part d'ombre, ces choses dont on n'est pas fier en effet aujourd'hui. Comment est-ce que vous les dépassez, ces choses-là ? 070 23 33 23, SMS 30 63, via la page Facebook, via le mail. La vie du bon côté en un mot, @rtbf.be. Voici Navi. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc, des larmes de crocodile. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. S'afflige des supplices, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis avec J'écoute du Miles Davis. Message de Michel Poulart qui vient régulièrement dans l'émission et qui nous écoute, je pense. Il dit: nos parts d'ombre font partie de notre équilibre. Arriver à coexister avec elles nous rend forts et conscients que nous avons des autres, d'apprendre, de progresser. Mais elles peuvent aussi être la source de merveilleuses qualités développées autour de ces zones d'ombre. À nous d'assumer nos erreurs comme des jalons sur notre chemin de la vie. Nous pouvons aussi honorer nos erreurs comme des moments d'apprentissage puissants qui nous font apprécier ce que nous sommes aujourd'hui et serons demain. Sans obscurité, pas de feu d'artifice non plus. Oh, et je connais lui, je connais. C'est notre ami. C'est mon ami aussi. Oui. Bon, une personne qui dit des belles choses comme ça, ça peut être que mon ami, quoi. C'est mon ami. Mais voilà, je reprends. Nos pardons font partie de notre équilibre. Vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est sûr, ça fait partie de nous. Arriver à coexister avec elle nous rend forts et conscients que nous avons que nous avons des autres à apprendre, à progresser. Mais elles peuvent aussi être la source de merveilleuses qualités développées autour de ces zones d'ombre. Et oui. Vous savez, le fait de croire qu'on n'a pas d'ombre, en fait, ça c'est vraiment purement égotique. Quand on est dans l'ego, on est dans la représentation sociale, on est dans la personnalité idéale quelque part, on veut montrer aux autres, on n'est que beau. Oui, voilà. C'est toujours en effet superficiel ça, oui. Hein, on est dans le superficiel, on est dans le pas normal quoi. Oui, mais on a tendance à vouloir se voir que beau. Oui, mais dans la représentation, on est dans la représentation. Tout à fait. On n'est pas dans le naturel, oui. Mais chasser le naturel. Il revient, Et ben voilà. Ah oui. Donc, c'est je pense que je connaissais chasser le naturiste, il revient en bungalow. Non, c'est pas la même chose. Surtout aujourd'hui, quand il a très très chaud. Oui. Bon, dans quelques instants, nous allons accueillir Stéphanie, qui a un témoignage fort à nous apporter. 070 23 33 23, SMS 30 63. Secondes. Ce n'est pas assez? Pour entendre ce titre en entier, restez sur Vivacité. Vivacité, la ville de Soigny et son centre culturel présente le multifestival gratuit Out en éclats. Samedi 27 dès 11h à Soigny, concerts, arts forains, marché du monde et village des enfants. Plus de 20 spectacles, Ulysse, Grand Georges, Charcot, Nicolas Testa. Info 067 347 428. Vous aimez nos émissions? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui? Vous avez envie de partager vos idées? Ou de retrouver des infos données à l'antenne? De tout connaître des coulisses de la radio? Bref, vous aimez Vivacité? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur J'aime. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. La région de Bruxelles Capitale, Vivacité et La Une présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. La vie du bon côté avec Christophe Godefriot, formateur en communication. Sur la page Facebook, Diane nous demande s'il y a des livres sur le sujet que vous pouvez recommander. Eh bien justement, vous venez de me parler de mythologie. Ah mais oui, des livres, il y en a plein, parce que toute la mythologie, en fait, quand on regarde la mythologie, c'est rien d'autre que des modes d'emploi pour passer à travers son ombre. Quand on regarde, allez, un exemple, le labyrinthe du Minotaure. Oui. Alors, le créateur du labyrinthe, Dédale, et son fils Icare ont choisi de s'en évader en collant des ailes avec de la cire. Ça veut dire quelque part en se faisant une fausse personnalité, en gonflant leur ego. Ils se sont approchés de la lumière et ils sont tombés. Alors que, par contre, il y en a un autre qui a choisi le bon chemin. Il s'est armé du fil d'Ariane. Vous savez? Oui. Le fil d'Ariane. Et le fil d'Ariane, c'était l'amour d'Ariane. Mais, les fils, à l'époque, ils étaient en quoi? En ça? En soi, surtout. En soi. Et donc, l'amour d'Ariane, c'était aussi l'amour de soi. Oh! Eh oui. Oh. Et donc, Thésée a traversé le labyrinthe armé de l'amour de soi et de l'amour d'Ariane, de l'amour de l'autre, et il est allé affronter ses peurs, affronter le monstre. Et il a séparé ce qui était humain et ce qui était monstrueux. Il a bien fait la part des choses et il est ressorti en héros. Eh ben vous avez revu vos classiques, hein ? Eh oui ! Merci pour cette grande page de mythologie. Stéphanie, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Merci. Bonjour. De prendre la parole par rapport à votre vécu à vous. Oui. Quand on parle de pardon, quand on parle de choses dont, qu'il faut dépasser aujourd'hui, dont on n'est pas fier. Vous souhaitez parler de Stéphanie ? Eh bien, voilà. Lorsque j'étais enceinte, à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas que boire des consommations alcoolisées était dangereux pour l'enfant à naître. Et donc, je n'ai pas changé ma consommation. J'ai bu la même chose avant ma grossesse, pendant ma grossesse, après ma grossesse. Et à l'adolescence, à force de faire des tests et de rechercher pourquoi ma fille avait des difficultés, on est retombé donc sur ce diagnostic. Donc ma fille a des problèmes de comportement, ma fille a un retard mental, et puis le jour où j'ai découvert que c'était à cause de moi, ça a quand même été pour moi difficile à gérer. Et la première personne à qui j'ai été demander pardon, c'était à elle, bien sûr. Et elle m'a pardonné, ça c'est la première chose. Et ensuite, j'ai encore eu besoin de temps pour digérer ça. Et puis j'en ai un peu parlé à des proches, j'en ai un peu parlé à de la famille, j'en parle à des inconnus dans la rue, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, c'est tout à fait ignoré. Et donc, par contre, il y a encore certains membres de la famille à qui je ne suis pas prête à aller dire ça. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est d'abord, je vais vous appeler à énormément de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ça, c'est votre comportement inadapté. Et votre comportement, vous êtes bien plus que vos comportements. Mmh. Et dans votre identité à vous, il y avait tout plein d'amour. Et ce comportement-là, en fait, c'est vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là avec ce que vous saviez et avec les possibilités que vous aviez. Et donc, sortez juste du jugement, entrez dans la bienveillance, accueillez cette histoire et en vous disant, tiens, voilà, j'ai eu un comportement inadapté qui a eu des conséquences, mais mon comportement, ce n'est pas moi. Je suis plus que mon comportement et mon amour, il est plus fort que ça. Mmh. Voilà, j'ai encore une étape que j'ai envie de dépasser, mais je ne sais pas comment. C'est d'aller peut-être prévenir les dernières personnes qui me sont proches et auxquelles je ne suis pas allée expliquer ça. Et là, j'ai encore un blocage. Voilà, j'essaie de passer à travers petit à petit, mais autrement... Qu'est-ce que ça vous apportera de plus, Stéphanie, de le faire? Puisque la personne la plus importante, c'est en effet votre fille à qui vous avez dit et qui vous a accordé son pardon. Mais qu'est-ce que ça vous donnera de plus? Je ne sais pas. Ben... Ma fille, je veux dire, ma fille fait aussi partie de ma famille. Oui. Je trouvais que c'est pour elle que vous le feriez. Ben pour elle, ça la changera pas. Et elle est prévenue, elle est avertie, elle sait quoi. Mais je trouve que ça pourrait faire partie de l'histoire familiale. Ça fait partie de son histoire familiale. Mais là, j'ai une difficulté vis-à-vis de ma famille. Voilà. Si ça nourrit vos valeurs, si c'est suffisamment important pour vous, vous allez trouver un chemin. Parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il faut juste savoir si ce qui est le plus important pour vous, c'est de garder ce confort du silence et de ne pas le dire, ou ce qui est le plus important pour vous, c'est de faire la vérité, de faire la clarté là-dessus. Mais quand vous faites la clarté, encore une fois, votre comportement a peut-être été inadapté à un moment, mais votre comportement, ce n'est pas vous et il n'a rien à voir avec l'amour que vous avez pour votre fille. Merci en tout cas Stéphanie de nous avoir confié cela par rapport à votre histoire. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez, tout comme Stéphanie l'a fait, prendre la parole par rapport à quelque chose que vous vous reprochez, bien entendu, comment passer au-dessus de ça et comment admettre cela. Give me a lifetime of promises and a world. Tina Turner avec You're the Best. Ben voilà encore une belle chanson pour aujourd'hui. Sympa, hein. Ouais. You're the Best. Et mais elle est vraiment impressionnante, hein, Tina Turner. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en train de parler, parce que de penser. Je parle et je pense. En même temps. Vous êtes une femme, hein, si c'est pour ça. Moi, je peux pas. Donc, je fais ça continuellement. On parlera dans quelques instants de l'ombre de Peter Pan, parce que je sais que vous aimez bien Peter Pan. Et j'étais en train de penser que quand on est petit, on joue tout le temps avec notre ombre. Mais oui. Mais quand on est grand, on ne le fait plus. C'est vrai. C'est vrai. Quoique, là, je suis là pour vous réapprendre à jouer avec votre ombre. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça que je voulais vous faire dire. C'est que vous êtes là pour nous réapprendre à jouer avec notre ombre. Ben, profitez-en, puisqu'il y a de grand soleil là pour les jours qui viennent. Donc, essayez de jouer avec votre ombre. C'est une façon symbolique, justement, de... Cette dimension de jeu, elle rend les choses beaucoup plus légères. Hein. Déjà. Oui. Déjà. 070 23 33 23, SMS 30 63, alors que je suis en train de mettre le site de Christophe Godfriot sur la page Facebook de l'émission. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Et déjà la nostalgie ce mercredi dans le 8-9. Pas la nostalgie des vacances, la nostalgie des années 80. Caroline Loeb viendra nous raconter ses années de A à Z, de la musique à Dallas, en passant par ses rencontres avec Madonna ou la croisière s'amuse. Et vous, vous aviez quel âge en 1987? Répondez pas maintenant, répondez ce mercredi dans le 8-9 sur la Une Télé et sur Viva. Le 8-9, avec Benjamin Maréchal. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Christophe Godfriot, notre invité aussi. Donc prendre soin de sa part d'ombre, c'est prendre soin aussi de ses blessures. Oui. Hein, des blessures qu'on a en soi. Toutes ces blessures-là qui sont... Il y a plein de blessures différentes, hein. Le fait de vouloir correspondre, de vouloir être fort parce qu'on s'attend à ce que l'environnement soit fort et de tomber dans la faiblesse ou des choses comme ça. Et puis il y a toutes les blessures, ce qu'on appelle les blessures reçues dans le sein maternel, comme la blessure de programmation, hein. On s'attend à un garçon, on a une fille. Voilà, par exemple. Ou ce qu'on appelle la blessure de néant aussi, quand par exemple la conception s'est passée de façon violente ou, voilà. Il y a plein de blessures. Les blessures, elles sont antérieures à la vie, hein, parfois. Et donc, effectivement, il faut continuer à vivre avec ça, à construire avec ça, à trouver sa place au soleil, à agrandir sa lumière. Bon, l'ombre de Peter Pan. Donc, Peter Pan joue avec son ombre. Vous savez qui c'est l'ombre de Peter Pan? Ce serait Crochet? C'est Crochet. Ah, oui, tout à fait. Monsieur Crochet. Peter Pan, en fait, qu'est-ce qu'il a? Il a décidé de ne plus grandir le jour où il est rentré chez lui et il a vu qu'il avait un petit frère. Et donc, il y avait un autre bébé à sa place. Et donc, il a décidé, puisqu'il avait été oublié, de ne jamais devenir adulte et de ne jamais oublier l'enfance. Mmh. Et donc, il ne veut pas devenir adulte. La condition à ça, sa part d'ombre à lui, c'est effectivement tout ce qui est adulte. Il va rejeter tout ce qui est monde des adultes. Il va rejeter le temps qui passe. C'est pour ça que le crocodile s'appelle Tic Tac. Mmh. Hein, le crocodile qui mange et qui dévore, qui transforme. Il a dévoré la main de Crochet aussi. Hein, donc il incapacite l'adulte qui grandit. Et donc Peter Pan, effectivement, l'ombre de Peter Pan, l'ombre avec laquelle il joue, et d'ailleurs tout le temps il joue avec le capitaine Crochet, il y a vraiment tout cet échange. Et donc on le voit à un moment donné jouer avec son ombre, mais il joue tout le temps avec le capitaine Crochet. Cette dimension de jeu de l'enfant perdu n'est jamais absente de la vie de Peter Pan. Jamais. En fait, never, never, le pays en anglais, le pays des enfants perdus, s'appelle never, never. Jamais grandir, jamais vieillir. Oh. Eh oui. C'est beau. Moi, j'aime bien Peter Pan. Mais oui, on voit pas toujours cette symbolique là derrière ça. Bon, la part d'ombre, encore une fois, pour revenir à des moments concrets, encore une fois, qu'on a vécu, pour la travailler. Une fois, donc, les auditeurs nous écoutent aujourd'hui et, mmh. et se disent, bah oui, c'est vrai que comme Stéphanie tout à l'heure, qui était vraiment, je trouve, un bel exemple du sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire à un moment donné, je dois, d'abord, je prends conscience de cette part d'ombre, oui. je l'accepte, je la partage, parce que la partager finalement, comme Stéphanie l'a fait tout à l'heure, quand elle en parle, c'est une façon de l'accepter. C'est une de façon dire, d'accepter. Elle est en moi, elle est en moi, je dois. Voilà. Je dois m'en servir aujourd'hui. Voilà. Je dois m'en servir. Mais juste, en fait, ce qui est important de faire, c'est un. Je disais à Stéphanie tout à l'heure de la bienveillance. Prendre soin d'abord de l'enfant blessé en nous. Mm. Prendre soin de cet enfant avec tendresse. Ne pas lui laisser faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, c'est redresser, mais avec fermeté, mais toujours beaucoup de bienveillance. Et puis surtout, ne pas s'identifier à sa part d'ombre. Nous ne sommes pas notre ombre. Comme nous ne sommes pas notre ego, de la même manière, c'est un peu la face cachée. Nous ne sommes pas notre ego et souvent on se laisse piéger par cet ego. On pense que cette personnalité sociale parfaite, celle qu'on veut être, celle qu'on veut voir, moi aussi, hein, c'est nous. Mais non, c'est pas nous. Et de la même manière, notre part d'ombre, c'est pas nous. Il faut vraiment se dissocier et de l'ego et de l'ombre, et naviguer au mieux en se disant, ben, ok, je suis une personne avec des qualités, avec des défauts, avec, oui, parfois une personnalité égotique et parfois une personnalité ombrageuse. Christophe Godefrio, que vous pourrez donc approcher le 30 septembre. Même touché. Touché. Parce qu'il est emballé et emballant comme ça. Et ben il le sera pareil au niveau des ateliers. Il fait tellement vivre ces ateliers que on l'a choisi, voilà, pour faire partie. Il est un de nos coachs, nos quatre coachs, non pas de voice, mais de cette grande journée Cap 48 qu'on organise à Mons. Allez sur le site de Cap 48, il y a l'info qui y est. Allez sur le site de Vivacité, l'émission La Vie du Bon Côté. Pour ne pas que vous cherchiez trop longtemps, l'info y est aussi. Vous nous envoyez un email, lavidubonkote en un mot, @rtbf.be, ou un petit SMS au 3063 pendant l'émission, parce qu'après on n'est pas branché tout le temps. Et alors il sera aussi en conférence le 6 octobre à Liège avec trois autres coachs, Jean-Marc Olson, Christine Alexandre et Julie Arcoulin. J'ai envie de dire, venez, j'ai buzzé, je me suis retourné, je vous ai choisi, alors venez. Voilà, venez, donc vous pourrez choisir la formule de votre choix, c'est un vendredi, donc pour ceux et celles qui travaillent, il faudra prendre congé, voilà, ou un jeudi soir, le 6 octobre est un jeudi soir, donc tous les renseignements y sont et c'est au profit de Cap 48, tout. Et c'est un prix unique de 48 €. Voilà. Et quand on parle du coaching, c'est pas cher du tout parce qu'on vous offre en plus à manger et à boire. Et même l'émission en direct. Et je peux vous assurer qu'il y aura une magnifique ambiance et qu'on pourra vraiment, vraiment papoter avant, après. Et voilà. 070 23 33 23. SMS 3063 si vous souhaitez donc intervenir encore une fois dans l'émission d'aujourd'hui ou des renseignements concernant cette grande journée. C'est la première fois qu'on en parle aujourd'hui, hein. C'est vraiment le lancement avec la rentrée de Vivacité qui s'annonce. Coldplay qui fait la lumière dans cette programmation musicale. De l'ombre à la lumière, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Cette part d'ombre, assumer cette part d'ombre en nous pour pouvoir mieux avancer, pour mieux se connaître. Voilà. Et il n'est jamais trop tard de mieux se connaître. À tout moment. Et mieux s'aimer. Et de mieux s'aimer, le premier jour du reste de ma vie, comme dit Étienne Daho. C'est une chanson que j'adore. Et d'avoir une meilleure relation avec soi-même, avec les autres. Aussi. Bien sûr. Ça va de soi aussi. C'est Marie, dans quelques instants, qui vous posera une question. Yes. Christophe, sur les personnes lumineuses et solaires. Puisqu'on parle de part d'ombre. Ok, allumons okay. alors. Allumons le feu. Marie, dans quelques instants, s'exprime 070 23 33 23 SMS 30 63. Vivacité présente. Ces 27 et 28 août dès 14h, l'archéocide d'Aubéchy vous invite à son traditionnel week-end d'archéologie expérimentale. Près de 250 reconstituteurs et expérimentateurs belges et étrangers animeront le site. Légion et cavalerie romaine, gladiateurs, troupes gauloises, artisanat et cérémonies domestiques illustreront la vie civile. Un week-end inoubliable dans l'Antiquité. Info sur archéocide.be. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Vapona, votre arme contre les insectes. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Mais oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. 13h, 15h. La vie du bon côté sur Vivacité. Nouveau générique, nouveau projet, voilà, nouvelles rencontres qui vont se faire de plus en plus, j'espère, et à l'étranger et en Belgique, bien sûr. Et puis, nouveau thème, j'aime bien celui-ci, voilà, parce qu'il me parle. Bonjour Marie, est-ce qu'il vous parle aussi, ce thème ? Ah oui, vraiment beaucoup. Les personnes lumineuses et solaires, vous me dites. Oui, je me demande, il nous arrive de rencontrer des personnes qui sont à première vue comme ça, très très lumineuses. Et puis, enfin, moi, j'ai parfois l'impression d'être comme ça. Et puis, en fait, plus le rapport s'approfondit, plus les zones d'ombre arrivent, en fait. C'est un peu comme ça dans la vie, je trouve. Plus on creuse, plus on trouve de l'eau dans le sable, ou on trouve des choses qui sont moins fluides. Et je me demandais si les personnes qu'on dit solaires comme ça sont des gens qui ont moins de difficultés ou moins de parts d'ombre, ou bien est-ce qu'elles arrivent à bluffer voilà, parce que moi c'est un peu quelque chose que je ressens, et parfois alors je dois un peu balayer parce que je me dis un peu le sentiment parfois de gâcher comme ça des choses. Voilà, c'est un peu ma question. Je pense qu'il y a deux choses hein, dans ce que vous dites, Marie. Enfin, en tout cas, dans l'approche de la personne solaire. Il y a d'abord, effectivement, quand vous dites, au départ, tout va bien, et puis plus on creuse, moins ça va, et plus on est en contact avec la part d'ombre. Là, on est plutôt, justement, dans une forme d'ego. Parce que on veut se montrer, au départ, à l'autre, parfait, lumineux, très bien, machin. Et puis, effectivement, après, l'image ne résiste pas autant. Ça, c'est une première chose. Donc là, effectivement, on a une présence de l'ego. J'ai pas envie de dire un problème d'ego, mais on a une présence de l'ego. Ouais. Ce qui n'est pas mal, hein, entre nous soit dit. Ce n'est pas mal. Si l'ego existe, c'est qu'il a sa raison d'être. Après, c'est un bon domestique, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. D'accord ? Donc, autant l'utiliser comme tel. Après, est-ce que les personnes solaires ont moins affaire à l'ombre que quelqu'un d'autre ? Je dirais non, au contraire. Parce que plus la présence de la lumière est forte, et plus l'ombre est puissante. Et donc, les personnes solaires, si elles ne gèrent pas leur ombre, le jour où ça ressort, mais ça devient monstrueux, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment travailler cette ombre en permanence, par petites touches, rester en contact et y aller, ne pas avoir peur. Ça n'empêche pas d'être solaire, de jouer avec l'ombre. Au contraire, ça va rendre la lumière plus pure et ça va rendre les particularités plus présentes. Vous savez, ce qui fait la particularité d'une pierre précieuse, c'est justement ces petites touches, ces petits défauts, ces petits cristaux, ces petites choses qui la rendent différente d'une autre. Eh bien, cette lumière solaire-là, elle est propre à chaque personne lumineuse. Mais si on ne touche pas la part d'ombre, quelque part, on va jouer avec les reflets et à un moment donné, on va être aveuglé, on va se prendre un mur. Vous m'époustouflez. J'ai écrit, ça n'empêche pas d'être solaire, de jouer avec l'ombre. Voilà. Oh là là là là. Voilà, j'espère Marie qu'on aura répondu à vos questions. Christophe Godfrio, formateur en communication, je répète que vous pourrez approcher, puisque c'est lui l'un des quatre coachs qui animera ces séances de coaching, soit le matin, soit l'après-midi, le 30 septembre à Mons. Et vous serez aussi en conférence avec les trois autres, dont Jean-Marc Olson, Christine Alexandre et Julie Arcoulin, lors d'une grande soirée à Liège de conférence le 6 octobre. Donc c'est juste avant la clôture de Cap 48, et tout ça, c'est au profit de Cap 48 pour remettre en live, en direct, le chèque, comme on dit, lors de l'émission télé du dimanche 9 octobre. Si vous souhaitez intervenir, 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Les personnes solaires lumineuses, mais surtout la part d'ombre en chacun d'entre nous. J'ai demandé à la lune et le soleil. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé Et on parle de solaire aujourd'hui, de personnes solaires. J'ai demandé à la lune. Oui. Vraiment le hasard de la programmation musicale. Hein. Oui, c'est toujours des hasards ici. Il n'y a que des hasards. Il n'y a que des hasards. C'est bizarre. En fait, je ne sais plus qui disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tout à fait. Hein? C'était Paul Éluard. Ah ouais, ouais. Oh, wow. Je m'en suis souvenu. Wow. Attends. C'est vrai, il y a toujours des chansons comme ça dans la programmation musicale. C'était déjà comme ça l'année dernière et je vois que, voilà, lors de la rentrée de La Vie du Bon Côté, ça se poursuit, ça continue. Ça continue. C'est génial. On verra dans quelques instants avec vous, Christophe, comment gérer la montée de l'ombre. Gérer la montée de l'ombre. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir une dernière fois, à mon avis. Loto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très Wout. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Bien sûr, il buzz. Il buzz même. Très bien. C'est vrai que c'est un choc. Il buzz comme un dieu même. C'est pas possible, c'est une rumeur. Mais il n'y a pas que ça. Humour, info, invité, musique, météo, infoservice, billets d'humeur. À défaut d'avancer plus vite, ça vole plutôt bas. Allez, avouez-le, le 5 à 7 de Vivacité, entre Cyril et vous, c'est bien plus qu'une simple histoire d'actu. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous le voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Vivacité. La vie du bon côté. L'ombre, la face cachée de l'ego. Ça, vous l'avez dit aussi. Hein. Oui, absolument. C'est un peu comme la face cachée de la Lune, puisqu'on parlait de la Lune tout de suite. Quelques hein, instants. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Gérer la montée de l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, il y a des moments où l'ombre est de plus en plus puissante, où elle prend beaucoup de place. Et tant qu'on va lutter contre, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va la renforcer. Plus on lutte, c'est un peu comme la musculation. Hein. Mmh. On renforce ce contre quoi on lutte. Mmh. Et donc, la première chose à faire, c'est accepter. Accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'effectivement, on a cette part d'ombre en soi. Et puis, on va juste, et ça c'est un truc que je travaille beaucoup en hypnose justement, c'est une des choses qui m'intéresse vraiment très très fort dans l'hypnose, c'est qu'on va se connecter à son sage intérieur pour avoir les réponses pour passer là à travers. Donc notre subconscient, il filtre toutes les informations, mais c'est une mine d'informations incroyable. Et donc il a les ressources, il a les réponses à toutes les questions. Et donc quand on se connecte à son sage intérieur, eh ben on va avoir les bonnes réponses pour avancer. Et enfin, la dernière chose pour gérer la montée de l'ombre, c'est tuer l'ego. Parce que l'ego, c'est pas nous. Et tant qu'on est dans cette idée de perfection sociale, on ne peut pas accepter sa part d'ombre. On ne peut pas jouer avec. Parce que, justement, ça touche à cette idée de perfection. Ça touche à cette beauté imaginaire. Quand on est dans l'ego, on n'accepte pas qu'on touche à cette beauté imaginaire. Il faut juste accepter qu'on est juste soi, qu'on n'est pas cette image idéalisée de soi. Et à partir du moment là, à partir du moment où on a tué l'ego, on fait de la place à notre véritable personnalité, avec ses zones de force, avec ses faiblesses, avec ses fragilités. Mais c'est bien. Là où il n'y a que du soleil, c'est un désert. Ben oui. Oui, ouais. C'est vrai. Oui. C'est vrai, ce sont toutes des images que vous donnez qui... Voilà. Qui percute. Ouais. On visualise beaucoup mieux. Trois sortes d'ombres, hein, on le rappelle. Vous avez parlé de l'ombre noire. C'est vraiment les choses dont on n'est pas fier, les choses qu'on traîne un peu comme des boulets. Hein. Comme disait Marc, c'est quand on tire à côté de la cible. Ouais. Tout à l'heure. Hein. C'est vraiment quand on n'est pas aligné, qu'on tire à côté de la cible et qu'on a des comportements qui ne sont pas adéquats en fonction de nos objectifs de vie. Ça, c'est l'ombre noire. L'ombre blanche, vous en avez parlé, c'est tout ce qui dort en moi. Et l'ombre familiale, ce sont les non-dits et les secrets. Il reste encore quelques petites minutes, donc j'aimerais vous emmener en baie de Somme. Emmène-moi. Hein? Je vais aller voir si la lumière est belle là-bas. C'est vrai qu'on organise aussi ce week-end en Baie de Somme prolongé du 14, 15 et 16 octobre. Il ne reste que quelques places, voilà, si vous voulez. Donc c'est pas une croisière, hein, non. Parce que j'allais dire en cabine, mais non, pas du tout. C'est dans l'hôtel Capornu, qui est magnifique, à Saint-Valery-sur-Somme. C'est magnifique aussi. Et vous pourrez assister aussi à des conférences avec Annie Deteux, là, avec Philippe Bétourné, avec Salvatore Hindon et avec Caroline Bachot, trois des quatre coachs de notre croisière, notre première croisière, La Vie du Bon Côté. Je vous donne un numéro de téléphone pour les renseignements et les réservations. C'est le 0475 75 70 77, 0475 75 70 77, ou alors vous nous envoyez un email. Donc ce qu'on vous offre, c'est vraiment trois jours, trois repas, quatre conférences pour ce week-end des 14, 15 et 16 octobre. Voilà, j'ai l'impression de vendre beaucoup de choses, mais il faut. C'est vraiment les toutes dernières places pour ce week-end en Baie de Somme. Donc voilà, après ce sera trop tard. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Et des choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qui le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame, de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble. Delta avec Héréditaire. Véro nous écrit: accepter Sylvie sa part d'ombre, c'est éviter de vivre dans le déni. On a le droit d'être parfait dans son imperfection. Absolument. La seule perfection de l'homme d'ailleurs, c'est d'être perfectible à l'infini. Ouais, ça j'avais déjà entendu aussi. Bon ben, je pense qu'on a fait un bon travail sur soi, sur nous, sur oui, moi, sur toi. Oui. Mais deux heures, ça passe vite, hein. Bah oui, ça passe vite. Oui, mais je pense que, bah oui, c'est leur donner justement un peu l'envie d'en savoir un peu plus, de vous rencontrer, de nous rencontrer, puisque c'est vrai que nous allons aller de plus en plus à la rencontre de notre public, de nos auditeurs, avec tous ces événements qui seront organisés. Donc Christophe Godefriot, il sera avec nous pour Cap 48 le 30 septembre à Mons, le 6 octobre à Liège. Merci beaucoup, Christophe. Merci Sylvie. À tout bientôt, Aller-retour s'installe. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RUVIO. RTBF Ovio, libérez vos envies.